Résidence Pro valorise chaque année la créativité, le savoir-faire des lycées professionnels en lien avec la culture italienne. Ça a été initié en 2022 par la Villa Médicis, Académie de France à Rome, avec le soutien de mécènes dont la Fondation BNP Paribas. Après avoir accueilli son 1000e élève en 2024, le programme ambitionne d'atteindre le 2000e élève cette année. Chaque année, un thème différent, celui retenu est matière et gestes engagés. Repensons notre empreinte des métiers d'art à l'innovation industrielle. Parmi les 12 lycées de la région Grand Est, le lycée Boutet de Montvel de Lunéville avec les BMA ébénisterie a été retenu. Et bien sûr, en studio, nous avons 3 élèves et aussi accompagnés d'une professeure et aussi de Emma qui est l'entrepreneuse ébéniste qui accompagne donc ses élèves. On va faire un petit tour de table. On va commencer avec les élèves. À ma gauche, il y a Tom. Bonjour. Tu as quel âge ? 17 ans. À ta gauche, il y a Noam. Oui, bonjour, moi j'ai 17 ans. Et vous êtes tous les deux en première année ? Exactement. Oui. Et à la gauche de Noam, il y a Guillaume. C'est ça, personnellement j'ai 20 ans. Et tu es en deuxième année ? Exact. Vous êtes accompagné donc de Lauriane, bonjour. Bonjour. Vous êtes donc professeur d'art appliqué. Exactement. Au lycée Boutet de Montvel. Et Emma, bonjour. Bonjour. Donc entrepreneuse, ébéniste, qui a aussi suivi cette formation, je crois. J'ai fait un CAP, un brevet de métier d'art, un BMA comme les élèves présents, sauf que j'ai été au lycée de Neufchâteau, voilà. Pierre et Marie Curie. Résidence Pro, pour aller un peu plus dans l'explication de ce que c'est, parce que ça existe donc depuis 2022. Qu'est-ce que c'est Résidence Pro ? Dites-nous tout. La Résidence Pro, c'est l'initiative de la Villa Médicis. C'est une académie de France qui se situe à Rome et qui accueille en résidence notamment des artistes du monde entier. Notre lycée, du coup, a répondu à l'appel à projet et a proposé un chef-d'œuvre, on va dire, pensé par les professeurs au mois de juin et repris par les élèves en septembre de CAP et de BMA. Et du coup, je vais vous laisser en parler. Alors, notre professeur, de base, nous avait dit que le projet en Italie n'était pas possible. Il s'est démené pour pouvoir le faire et il nous a annoncé, on était en salle d'ailleurs avec Lauriane, une bonne nouvelle, on a pu aller en Italie. Suite à ça, on a fait plusieurs réunions. Il nous a présenté le projet, il nous a présenté les dessins qu'il avait fait, les plans, tout ça. Donc après, Guillaume et les terminales, majoritairement, on se sont réappropriés le projet. Et de suite à ça, nous avons le projet que nous sommes en train de réaliser maintenant. Donc vous êtes combien d'élèves ? Une quinzaine au total. C'est tous les élèves de première et de terminale qui sont sollicités autour du projet. Donc il y a eu 2 phases, comme disait Noan. Il y a eu la première phase où, avec M. Billon, qui est mon collègue d'ébénisterie, on a regardé l'appel à projet, on a vu ce qu'on pouvait proposer. Parce que, donc, comme vous avez dit, il y a une thématique autour de la matière et du geste engagé cette année. Donc on a pensé quelque chose qui pouvait être réalisable en atelier. On a fait quelques croquis, on a proposé donc ça à la Résidence Pro. Et au début, c'est vrai qu'on n'avait pas été retenus. Donc on était un peu déçus, les élèves aussi, parce que l'optique de partir, entre autres, visiter Rome, c'est quand même assez attrayant et attractif. Et au final, on a reçu une bonne nouvelle quelques semaines après, c'est ça ? Quelques semaines après. Ouais, on était retenus. Et donc là, les élèves super motivés, ils ont commencé à regarder ce qu'on avait proposé, parce que c'était vraiment une esquisse, hein, ce qu'on avait fait avec... le collègue d'atelier. Et ils ont vu notamment les terminales, comment ils pouvaient se réapproprier le projet et surtout qu'est-ce qu'ils pouvaient améliorer ou approfondir pour montrer en fait leurs compétences et leur savoir-faire. Et donc voilà, je pense que là on tient quelque chose qui tient bien la route. L'idée de départ donc du projet, ça consiste en quoi ? L'idée première, comme on avait ce carcan qui était la culture italienne, on est parti sur quelque chose qui représentait Rome, la ville, l'Antiquité. On est parti sur la colonne romaine. Et à partir de là, on s'est dit, est-ce que ça serait pas possible de créer une pièce de mobilier qui reprend l'esthétique de la colonne antique. On est parti là-dessus, il y a eu plusieurs possibilités. Au début, c'était un meuble avec une porte, avec des étagères intérieures, quelque chose d'assez sobre, sur lequel ils auraient travaillé la marqueterie pour reprendre le décor. Voilà. Et après, ça a évolué. Et là, c'est les élèves qui vont vous parler de la suite. La première version dont parlait Lauriane, c'est celle qu'on a présentée à Strasbourg lors d'un oral devant tous les autres lycées qui ont été sélectionnés pour la résidence pro. Suite à cela, on a quand même pas mal retravailler le projet pour évidemment montrer ce qu'on voulait montrer justement comme savoir-faire, avec un rideau démontable qui cache en fait une marqueterie. C'est quelque chose qu'on fait régulièrement pour habiller nos meubles quand on a un peu de temps. Ça montre un meuble dont on est fier et dont on a pris soin, à la conception et à la création. On va exposer diverses petites colonnes réalisées en différentes matières pour représenter ce qui est fait dans notre lycée, parce qu'on n'a pas que l'ébénisterie, on a tout ce qui est métallerie, ferronnerie, j'en oublie parce qu'il y en a pas mal, électricité aussi. Il y a différentes pièces techniques avec différentes techniques à maîtriser, et notamment pour les premières années. C'est un projet qui, personnellement, me tient beaucoup à cœur pour leur montrer de nouvelles choses et pouvoir discuter avec eux, parce que, et plus avec eux quand est-ce qu'on n'a pas forcément l'habitude de le faire. En amont, je vois que vous êtes allé à Strasbourg pour défendre votre projet, c'est ça ? Alors, il y a eu les terminales plus certains premières années. Effectivement, on a défendu notre projet, surtout pour le montrer aux personnes de la région. On n'a pas forcément parlé avec beaucoup de gens de tous les lycées, mais on a pu se voir, voir ce qu'ils comptaient faire, leur point de vue, etc. Donc, il y a 12 lycées qui ont été retenus sur la région Grand Est, dont le lycée Boutet de Montvel. Et pour vous accompagner dans ce grand projet, il y a Emma Bigoni, donc, qui est entrepreneuse, ébéniste, qui a une formation un peu similaire. Alors, comment vous êtes retrouvée lancée dans ce projet ? Eh ben, alors, ça a été la grande surprise, à ce rendez-vous à Strasbourg. Parce qu'en fait, le lycée qu'on suivait était déterminé à Strasbourg. C'était un peu la grande surprise. C'était très chouette de découvrir un nouveau lycée d'ébénisterie de la région. Pour chaque lycée sélectionné, il rattache à un professionnel qui a des compétences donc, spécifiques. Et généralement, ils choisissent ça en fonction du projet qui est présenté par les lycéens. Et du coup, ça fait une passerelle. Et c'est vrai que c'est hyper intéressant parce que ça permet de mettre en relation en fait, des professionnels qui sont dans le métier, qui découle généralement des filières du lycée. Donc, ça permet aux élèves de rencontrer des acteurs. Ce parallèle peut être plutôt productif. Et donc, vous intervenez avec votre savoir-faire, votre expérience pour la réalisation de ce projet, en accord avec le professeur M. Billon et les élèves. J'interviens plusieurs fois dans l'année pour suivre un peu le projet, l'évolution. Et puis, c'est des journées où j'échange avec les élèves. Et du coup, quand ils ont des questions, j'essaye de les aider ou même d'apporter un peu mon aide au projet. À la fabrication. La dernière fois, on a collé des pièces pour la base du sol. Donc Tom et Noam, vous êtes en première année. Vous avez découvert ce projet Résidence Pro au moment de la rentrée de septembre ? Pas directement à la rentrée, un petit peu après septembre, mais vraiment au début d'année, on a eu le temps de bien réfléchir sur ce projet. Et vous êtes donc en première année BMA ébénisterie. Juste pour votre expérience et votre envie de vous investir dans cette formation, comment c'est né ? Tom, comment tu as découvert ce métier, cette formation ébénisterie ? Qu'est-ce qui te plaît aussi là-dedans ? J'ai fait les journées portes ouvertes et j'ai fait un échiquier ou un damier, je ne sais plus ce que c'était. Un échiquier. Et puis, ça qui m'a plu. Et j'aime bien aussi travailler manuellement, donc c'est pour ça que j'ai choisi un peu cette filière. Et pour toi, Noël ? Moi, depuis petit, avec mon père, on bricole souvent, on faisait plein de choses. Et puis justement, j'avais fait cette journée portes ouvertes, comme Tom disait. J'avais réalisé également ce damier. Je suis passé par plein de voies dans le bois différentes. Je suis allé en ébénisterie, j'ai fait mon CAP et ça m'a bien plu. Du coup, j'ai continué en VMA. Et pour toi alors, Guillaume, toi, t'es déjà proche du bac ? Non, j'ai déjà un bac. J'ai fait un bac d'art appliqué avant ça. C'était des 2A précisément. Au départ, je sentais que je voulais fabriquer des choses et pour moi, c'était le bac qui s'en rapprochait le plus. Mais c'était beaucoup de théorie et beaucoup de dessins sur feuille. Alors, c'est très agréable, on apprend beaucoup de choses. La pratique me manquait vraiment énormément et ça se ressentait sur la fin où j'étais plus très motivé pour mon bac. Je l'ai quand même eu, et voilà. Donc j'ai fait un CAP en un an après ça à Lunéville. Moi j'ai juste vraiment fait une porte ouverte, j'ai pas fait une journée d'immersion comme Tom et Non. J'ai pas fait de damier ou quoi, je suis juste allé voir. Et après un CAP en un an, je sentais que j'avais beaucoup apprécié toutes les petites choses que j'avais découvertes, mais j'avais envie de progresser dans le bois avec d'autres techniques qu'on nous promettait en BMA, donc j'ai poursuivi. Et maintenant ce projet de résidence pro qui est quelque chose de très concret, qui rassemble plusieurs lycéens, même de niveaux différents. Et ça, comment ça se passe alors ? Parce que c'est une première pour le lycée Boutet de Mont- Lauriane, comment ça a été perçu et comment ça fonctionne ? On a présenté le projet en septembre aux élèves, une fois qu'on avait reçu la bonne nouvelle qu'on était sélectionnés. On a présenté les quelques idées qu'on avait avec le collègue et on a expliqué que c'est un projet qu'il fallait mettre en place pour le printemps. Qu'on aurait une présentation à Strasbourg dans un premier temps pour expliquer ce qu'on allait faire, rencontrer Emma. On savait qu'on allait être en lien avec un professionnel, mais on ne savait pas qui, ça a été la surprise. Et qu'il y aurait une seconde partie aussi en avril avec notamment des interviews. On va avoir des équipes qui vont venir au lycée pour les voir travailler, faire un reportage, pour qu'ils puissent montrer comment ils élaborent leur projet. Et ensuite, il y a la dernière partie où une fois que la pièce est fabriquée, on la met dans le bus et puis on part tous à Rome. Et oui, du 12 au 16 mai, je crois, voilà, hein, c'est exactement. Ça. Et du coup, cette pièce, ils vont la présenter devant les autres lycées qui participent au projet. Et ils vont aller découvrir Rome. Donc là, on a eu le nom de la médiatrice qui va nous accompagner sur la semaine où on y va. Donc c'est super, on a quelqu'un qui est alloué pour notre classe et qui va nous faire découvrir des sorties. On va sûrement bouger en fonction de ce qui intéresse les jeunes et par rapport aussi à des choses qui ont été vues à travers le projet qu'on présente. Ils nous ont envoyé sur une visite du Panthéon. C'est la thématique autour de l'Antique qui est au cœur du projet. Donc ça, c'est une première proposition de visite. Et ensuite, après, avec les deux classes, on va voir comment construire le programme sur ces quelques jours. Et c'est vrai que ça a l'air super bien organisé. Le matin, on est à la Villa Médicis avec des ateliers qui sont organisés, notamment pour travailler autour de la présentation qu'ils auront à faire de leur projet. Et ensuite, on a une partie plus libre où on est accompagné par cette médiatrice qui va nous faire découvrir la ville et la culture romaine. Et pour avoir reçu l'année dernière des lycéens qui ont vécu cette expérience, vous n'allez pas vous ennuyer, en tout cas, et c'est très riche. Emma Bigoni, vous êtes l'entrepreneuse ébéniste qui accompagne ces étudiants, ces lycéens. Vous avez découvert ce lycée à l'occasion de leur prestation à Strasbourg. C'était un peu le hasard, comment ça s'est fait? Ou c'était vraiment spécialisé en fonction des lycées? Il y avait ébénisterie, il n'y a peut-être qu'un seul lycée qui était sur cette thématique-là ou... Allez-y. Alors justement, il y a deux lycées qui sont présents en ébénisterie. Il y a aussi le lycée dans lequel j'ai appris, donc à Neufchâteau. À Neufchâteau, oui. Et donc du coup, ça a été la grande surprise, mais en même temps, je savais que j'allais être en lien avec mon métier. Le lycée de Boutet-Montvel est parfait. Et donc vous êtes entrepreneuse aujourd'hui, c'est votre métier, qu'est-ce que vous produisez? Alors j'ai deux parties dans l'entreprise, donc il y a la première partie qui est la création de mobilier contemporain, donc mes propres créations et après j'adapte en faisant du sur-mesure chez les clients. Et après j'ai la seconde partie qui est la restauration de mobilier ancien. Et donc quand vous avez vu ce projet aussi, ça correspondait tout à fait à ce que vous faisiez, ce que vous attendez de ce métier? Exactement, oui. Puis après j'ai découvert ce projet, toute l'inspiration qu'il y a eu derrière. Après il y a eu quand même une évolution entre la présentation à Strasbourg et après à la fabrication il y a eu quelques modifications. Ils sont 15 lycéens à participer. Comment vous partagez un peu le travail? Vous allez produire combien de meubles? Parce que 15 sur un seul objet, ça fait beaucoup peut-être. Effectivement, de base, on pensait qu'on allait fabriquer deux meubles. Un qui reste dans notre lycée et un pour la région qui voyage à Rome et ensuite revenir à la région. Et finalement, après son concertation avec la région... Ils nous ont rappelé que le meuble qu'on allait présenter à Rome allait revenir à notre lycée. Et c'est peut-être un peu mieux niveau temps de fabrication, parce qu'il y a certaines pièces qui prennent beaucoup de temps à fabriquer. Beaucoup. Qu'est-ce qui prend beaucoup de temps, justement? Ce qui prend beaucoup de temps, c'est la coque principale du meuble, qui est fait en contreplaqué. Alors de base, on devait le fabriquer en contreplaqué cintrable, qu'on a malheureusement reçu pas très cintrable, en fait. Ça fait partie des surprises Oui, du travail. Quand on teste des nouveaux matériaux, des fois, ça ne fonctionne pas comme on veut. En tout cas, on a remplacé ça par des... C'est une des thématiques aussi du projet, c'est qu'on a récupéré plein de feuilles de plaquage qui traînaient dans nos caves, etc. Et on en a fait du contreplaqué, parce que techniquement, c'est comme ça que c'est fait. Pour répondre à l'autre partie de vos questions, c'est-à-dire l'organisation, on a pris un peu de temps à commencer à fabriquer, mais là, on est bien, bien lancé. Surtout, le plan a pris un peu de temps à être fait, le véritable plan, parce que comme on l'a dit, après Strasbourg, on s'est réapproprié le meuble en changeant différents aspects techniques, même après que le plan se soit terminé de ma part. Il y a un travail en amont qui est fait de manière informatique, comment ça se passe? Oui, effectivement, le plan a été fait de façon informatique sur un logiciel qui s'appelle AutoCAD. C'est un plan qui a été fait surtout de mon côté. Sur le projet, il y a différentes personnes qui ont travaillé beaucoup sur le dessin et la représentation. Et il y a d'autres personnes qui ont aussi dessiné, mais plus de façon technique, et j'en fais partie. J'ai notamment réalisé en collaboration avec mon professeur le plan du meuble. Et puis, j'ai travaillé aussi un petit peu la marqueterie, enfin, retravaillé pour le meuble la marqueterie que Léa, une autre personne qui n'est pas là aujourd'hui, a travaillé dessus, dessiné carrément. Et Emma, quand vous avez vu les plans, vous avez dit ça va, c'est faisable, ou alors c'est trop ambitieux, ou là, ça va, 6 mois pour le faire, ça va être un peu court. Eh ben ça, de toute façon, ça va le faire. En plus, après, techniquement, j'ai confiance en eux, donc vraiment, il n'y a pas de problème là-dessus. Après, au niveau timing, c'est aussi la grande question. Et c'est vrai que c'est assez court. Enfin, voilà, ils sont en plein dedans. J'ai hâte de retourner au lycée pour voir un peu l'évolution entre mes différentes visites. Oui, à chaque fois, vous apportez des petits conseils aussi des... J'essaye. Après, ils sont quand même pas mal lancés. Ouais. Et voilà, ils sont, ils savent quoi faire. Donc, voilà, les conseils plutôt fabrication, des fois, quand il y a des petites techniques à avoir, voilà, j'essaye de leur donner. Tom et Noah, vous êtes en première année. Donc, la technique que tu as apprise et qui te plaît particulièrement Le cintrage du contreplaqué, c'est du... Tu veux dire l'assemblage de plaquage en contreplaqué qu'on cintre en même temps. Ouais. Une technique que tu ne connaissais pas et que tu as découverte. Oui. Et Noan ? Également, ce contreplaqué qu'on n'a pas pu cintrer, oui, qu'on a adapté. Donc ça, c'est une nouvelle pour moi, je n'avais pas vu encore ça. Également, la fabrication des moules, tout cet arrière-plan pour la réalisation de ce meuble. Également, on aura un travail de tout ce qui est verre, miroir pour la scène qu'il y aura au-dessus du meuble. Et sinon, après, pour tout ce qui est socle et chapiteaux, c'est du travail de défonçage avec une toupie. Donc ça, j'avais déjà vu ça avant, donc ça va. Voilà, il y a des choses que tu connaissais déjà. Oui. Et alors, pour quand doit être terminé ce projet ? C'est vrai que sur 6 mois, on a l'impression que c'est long, qu'on a du temps, mais donc ils ont les cours à côté et surtout, ils ont des stages. Et les stages en entreprise, c'est vrai que c'est quand même une partie importante de leur formation qui leur prend des semaines entières. Donc, le projet est entrecoupé de ces périodes-là, plus les pauses pédagogiques. Et donc, on se retrouve sur un projet où on a l'impression que 6 mois, c'est largement suffisant. Et finalement, on se dit, on espère qu'il sera terminé. Donc, la deadline, c'est fin avril, de façon à être tranquille, donc au retour des vacances de printemps. Après, je pense que ça va être faisable. Ils sont quand même très motivés. Maintenant, ils se sont bien répartis le travail. Il y a une passation qui est intéressante parce que ceux qui ont plus de technique et plus de savoir-faire, puisqu'ils sont en deuxième année de BMA, ont tendance à transmettre ces compétences-là aux premières années. Et là, il y a un équilibre, je pense, qui s'est trouvé. Et ça devrait être intéressant. Et après, donc, il y aura ce voyage du 12 au 16 mai avec toute cette découverte aussi, ces visites, mais aussi défendre votre projet sur place. Ça, vous l'attendez, le voyage ? Vous y pensez déjà un peu ou c'est encore trop loin ? Bien sûr qu'on y pense, c'est bientôt. Il y a un petit peu cette pression. Est-ce qu'on va finir ce meuble à temps ? Normalement, on l'aura fait dans les temps. Ce sera fait. J'espère. Bon, il y a quelques week-ends aussi, hein, faut faire quelques heures sup peut-être. Ah ça, ils en font des heures sup, ils habitent littéralement dans l'atelier en ce moment. C'est carrément ma maison pour moi, mais voilà. Il y a ce côté passion quand même dans cette formation. Emma, c'est pas vous qui allez me contredire. Tout à fait. La passion, quand on va à l'atelier, on n'y va pas en traînant les pieds, donc c'est vraiment la passion avant tout. Qu'est-ce qu'on vous souhaite pour la suite du projet, Tom ? Toi, tu l'attends ce voyage ? Oui. Noan, toi, qu'est-ce que tu attends de ce voyage ? Beaucoup de connaissances, d'expériences et de voir un petit peu tout ce qui va se concrétiser. Donc, pouvoir voir ces piliers de Rome, ces colonnes à Rome, ça va être très intéressant pour moi de voir précisément comment elles sont, parce que je les travaille à l'atelier en faisant ce meuble. Et puis également, voir tout ce qu'il y a à la Villa Medici, voir les paysages. Et voir cette culture romaine aussi qui est sympathique pour moi. Et Guillaume, là aussi, c'est la concrétisation de tout ce travail, de réflexion, de... Effectivement, moi, j'ai passé beaucoup de temps à le dessiner, personnellement. Donc, le voir se créer, c'est très, très satisfaisant. Et puis, bon, je l'aide aussi, parce que j'ai certaines parties qui sont attribuées. Mais quand des gens viennent me voir pour demander des précisions sur le plan, ça me fait très plaisir de pouvoir leur répondre et transmettre des choses. Et de comment j'ai imaginé le meuble. Et puis, bon, j'ai mes projets personnels parce que je suis en fin d'études qui se mêlent à tout ça. Donc, niveau organisation, il faut être très précis et pouvoir prendre le temps qu'il faut. Bon, des fois, c'est un peu dur. Ça va le faire. Essaye de se convaincre. Mais oui, bien sûr. Et donc, ce projet, il reviendra après au lycée. C'est un bon moyen aussi de faire connaître cette formation, Lauriane. Ah oui, c'est une belle vitrine, justement. C'est un projet qui est intéressant sur plein de choses et c'est pour ça qu'avec mon collègue, on a trouvé l'idée particulièrement sympathique. La partie qui nous intéressait vraiment pédagogiquement, c'est le fait de faire travailler sur un projet commun tous les niveaux du lycée. Parce que c'est des choses en fait qu'ils n'ont pas l'habitude de faire. Normalement, chaque année, ils ont leur propre projet. Ils travaillent sur généralement quelque chose qui a été vu avec l'enseignant, qu'ils vont fabriquer en atelier. Là, c'est un projet qui pouvait mener, qui pouvait réfléchir. Donc, comme l'a dit très justement Guillaume, c'est-à-dire qu'il y a des élèves qui ont travaillé sur la première partie de dessin, de réfléchir à ce qu'ils pouvaient apporter sur une idée qui était assez basique, on va dire. Donc, ils ont réfléchi à ça, ils ont apporté des choses plutôt intéressantes. Guillaume l'a dit, donc il y a cette histoire de rideau. En plus, ils ont incorporé une vitrine dedans. Dans la vitrine, ils ont pensé faire un petit clin d'œil à la Villa Médicis parce que dans le parc, il y a des restes de colonnes. Et ces colonnes, en fait, ils ont essayé de les représenter en symbolisant les différents métiers d'art. C'est-à-dire qu'on va avoir une vitrine qui est intégrée dans le mobilier où chaque colonne est faite avec un matériau qui représente une filière notamment qu'on retrouve dans notre lycée, parce que c'est un lycée, donc comme le disait tout à l'heure Guillaume, où on a plusieurs filières, on a une filière de métallerie, on a une filière de ferronnerie, on a une filière d'électricité, on a une filière d'usinage, plus l'ébénisterie. Ça fait quand même pas mal de futurs corps de métier qui sont très intéressantes. Et du coup, cette idée qu'a eu Léa de représenter les colonnes avec des matériaux spécifiques, ça permet en fait de voir qu'il n'y a pas qu'un seul métier d'art, mais plusieurs, et d'en créer du coup le côté de fabrication artisanale à l'intérieur du meuble. Et ça, c'est quelque chose qui est vraiment très, très intéressant à l'initiative des élèves. Et voilà. Et ça rejoint vraiment le thème de cette année. Exactement. Je le rappelle, hein, c'est matières et gestes engagés. Repensons notre empreinte des métiers d'art à l'innovation industrielle. Donc, on l'a vu avec Lauriane, donc tout ce travail en accord avec les autres filières. Guillaume, toi, c'est important pour toi? C'est important pour moi parce que, bah, comme j'ai dit tout à l'heure, j'aime beaucoup fabriquer et voir les gens fabriquer et voir les gens vivre et comment ils voient les choses. C'est ce qui m'intéresse le plus, je pense, dans la vie en général. Et ce projet a déjà permis de créer beaucoup de liens entre les différentes personnes de notre lycée, des filières de notre lycée, parce que je connais des gens qui sont en métallerie, du coup je suis devenu très ami avec eux. Il y a des électroniciens aussi qu'on connaît beaucoup maintenant. Des liens entre nous, je parle entre les différents niveaux. De base, les BMA en première année qui sont issus de CAP en deux ans, on n'a pas eu beaucoup l'occasion de discuter et de parler parce qu'on a très peu d'heures à d'ateliers en commun parce qu'ils en ont moins que nous. Et pouvoir leur transmettre des choses et rien que les découvrir un peu plus, ça fait très plaisir. Leur inculquer peut-être de nouvelles notions, c'est quelque chose de grisant en fait. Personnellement, aller en Italie, c'est certes pour découvrir plein de choses d'Italie, voir aussi ce que font d'autres lycées. Cette année de la résidence pro, il n'y a pas que dans la région Grand Est qui ramène des gens en Italie. Il y a d'autres lycées et un en ébénisterie, mais d'autres. Il y en a un vers... c'est le lycée d'Hydro dans le sud. En tout cas, qui fait aussi de l'ébénisterie et beaucoup de marqueterie, et j'ai très hâte de voir ça. De la marqueterie, même de paille, de roche. Découvrir les savoir-faire d'autres personnes, l'attention que les gens ont mis dans leur représentation de leur projet, c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur et que j'ai hâte de découvrir. Oui, ça nourrit forcément son travail, de travailler en réseau avec d'autres professionnels. Surtout quand on est en début de carrière, hein, avec se créer un réseau, c'est important, mais aussi de s'inspirer de ce que font les autres. Emma, je suppose qu'on est toujours avide de découvrir comment d'autres travaillent. Oui, c'est très enrichissant, en fait. Ben voilà, il y a des rencontres. Voilà, on a toujours plein de choses à apprendre, et en fait, on apprend sans cesse. D'autant plus quand ça mélange plusieurs techniques et corps de métier. Exactement, c'est encore plus enrichissant. Et plus de difficultés aussi, parce qu'il faut s'adapter. Oui, bah, il faut s'adapter aux différents matériaux, comment ils se travaillent. Et c'est pour ça que la première partie à Strasbourg était intéressante, parce qu'on a pu en fait découvrir avec les élèves les projets qui avaient été proposés en 2024. Et en plus, les élèves étaient présents pour nous les expliquer. Donc c'est vrai que cette mise en relief des anciens projets a été une base qui a permis aux élèves de réfléchir à comment ils allaient faire évoluer leur projet et aussi sur les façons qu'il y avait de présenter un projet, des choses dont ils auront notamment besoin pour leur diplôme. Donc, les savoirs sont vraiment transversaux et je pense que ce projet, il apporte pas mal de choses aux élèves sur plein de plans. Et c'est ce qui le rend vraiment très intéressant et c'est pour ça qu'on est content d'y participer. Merci beaucoup, Lauriane. Bien sûr, si on veut des infos sur les formations proposées par lycée Boutet de Montvel, ben on tape lycée Boutet de Montvel, Lunéville, dans un moteur de recherche, on trouve très facilement. Emma Bigoni, Ou si on vous trouve assez facilement dans un moteur de recherche, je suppose que vous avez un site ou des réseaux sociaux. Oui, sur les réseaux sociaux, le site est en construction, donc ce sera dans quelques temps, mais sur les réseaux sociaux, vous me trouvez. Et puis rendez-vous pour le retour du voyage de Résidence Pro. Pour l'instant, amusez-vous bien et bon courage. Merci. Bien, j'attends.